La séance oratoire nationale des syndicalistes et syndiqués consacrée à la journée du soleil a lieu jeudi au Palais central des ouvriers à Pyongyang. Ce thème, notre leader et la classe ouvrière. Les orateurs ont apprécié la vie patriotique du président Kim Il-sung, qui s'est sacrifié entièrement à la cause sacrée pour la patrie et le peuple.